s'apprécier derrière des nuages sales, sa floue beauté comme derrière un pare-brise chiffré, grisé par la brise répétée qui ne cesse de souffler. En cette chaude soirée, j'aurais beau dire et beau penser sur ce monde, bon carrière et cap leurré, vu l'heure qu'il est, je ne serai ni lésé ni leurré, comme un voyage interminable. Au bout de la nuit, les antres de ce macadam ne me procurent aucun ennui. J'envie ce que le succès guette, mais étant race d'humain, je la sais, hein, une futile quête reste. Des pourtours, des pourquoi, comme d'hab chez un stégosaure qui ne croit et s'octroie les droits à une entière et certaine indépendance par le hip-hop, sans sa ribambelle de souffrance. Souffroteux, tel un jeune garçon dans son pieu avant d'affronter les autres dans une école de banlieue. Dieu et all, portez-nous sur votre vent. Hélas, je suis seul pour aller de l'avant. Seul, j'apporte toi, puis seulement je sens que je bascule pour finir petit à petit dans la ruine et ma mélancolie. Seul, j'apporte toi, puis soudainement je sens que je bascule pour finir petit à petit dans la ruine et ma mélancolie. Ma destinée, persévérer, s'obstiner, toujours devant, sans cesse espérant, se lâchant, lassant, cette mortelle monotonie qui s'accroche avec haine, sans accro à serrer sur nos vies. Méprisante facilité de certains, reçus en soi-disant projet, nous pas question de payback, on a notre fierté. Alors on continue plus cru, sans retenue, l'échec n'est pas permis, car à GE, si tu veux, c'est un mélange choisement étrange, alors fini. Efface ce sourire, viens souffrir et sentir ce qui sera pire. Vas-y, admire, tu ne peux rien prédire, uniquement te maudire et te dire qu'il te reste bien peu à part l'espoir de ne pas te perdre dans le noir et de voir l'opportunité que tu vas rater à travers ton désespoir. Plongé dans cet engrenage piteux, facétieux et fallacieux, une dernière fois je te le demande, qui est ton Dieu? Seul, j'apporte toi, puis soudain je sens que je bascule pour un pire petit à petit dans la ruine et ma mélancolie, mélancolie. Seul, j'apporte toi, puis soudain je sens que je bascule pour un pire petit à petit dans la ruine et ma mélancolie, mélancolie. Seul, j'apporte toi, puis soudain je sens que je bascule pour un pire petit à petit dans la ruine et ma mélancolie. Thank you.